notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne t'occupe pas de ceux qui parlent contre toi. C'est une provocation. Ils cherchent à te distraire. L'Éternel veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Reste concentré sur les objectifs que Dieu t'a assignés et tu verras la manifestation pleine de sa gloire. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta voisine, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière, OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Romains chapitre 15, 22 à 33. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Notre texte, c'est Romains 15, 22 à 33, que nous voulons lire maintenant. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui ne me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles ont bien voulu et elles leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Nous allons partager quatre vérités essentielles dans ce passage. Première vérité, apprenons à communiquer avec les autres. La communication peut nous éviter des incompréhensions. Aujourd'hui, même dans le foyer, il y a beaucoup de problèmes parce qu'on ne sait pas communiquer. Je vais parler à quelqu'un, mon ami. Tu es marié. Lorsque tu es marié, tu dois savoir parler avec ta femme. Lorsque, par exemple, tu vas revenir en retard, d'habitude, tu descends à 18h ou à 19h. Mais si ce jour-là, tu sais que tu auras une réunion qui va terminer tard, à 21h, 22h, il faut communiquer. Tu peux soit dire à ton épouse, soit l'appeler au téléphone pour qu'elle sache quelle est la raison pour laquelle tu reviens si tard. Et c'est vice-versa. Nous devons apprendre à communiquer. Même en tant que leader dans l'église, tu es pasteur, tu es leader, sache communiquer avec ceux qui sont autour de toi afin qu'ils comprennent ta vision, tes pensées. S'il y a un contretemps dans ce que vous devez faire, vous voyez, l'apôtre Paul est en train de montrer ici aux Romains qu'il avait connu un empêchement. C'est-à-dire, ça faisait une longue période où les Romains ne l'ont pas vu. Mais ici, il est en train de communiquer pour leur montrer qu'il y avait un contretemps. Vous voyez, au verset 22 dit, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Vous voyez, ça veut dire que c'était l'annonce de l'évangile. Il était préoccupé par l'annonce de l'évangile vers d'autres contrées, hein, pour atteindre des peuples non atteints ou des régions non atteintes par l'évangile. Il dit, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Il y a des gens, lorsque par exemple, il y a une réunion auquel ils sont conviés, ils ont connu d'empêchement, mais quand il y a un empêchement, on s'excuse pour que les autres puissent savoir que voici, c'est pourquoi je suis empêché à cause de tel problème ou à tel autre. à cause de tel problème ou tel autre. Et au verset 23, il dit, « Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retient dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne. » Vous voyez, dans la communication, il est en train de leur montrer qu'il planifie quelque chose, que vous ne devez pas vous inquiéter. Bientôt, je vais aller en Espagne et je vais profiter de l'occasion pour vous voir. Il dit, « Et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous. » Il montre que ces temps de silence ne voudraient pas dire qu'ils n'avaient pas le désir de les voir. Dans la communication, on veut faire connaître à l'autre les sentiments qui nous animent. Et si on avait un rendez-vous, le rendez-vous n'a pas tenu, on communique pour que la personne sache pourquoi ça n'a pas tenu. Qu'est-ce qui a créé l'empêchement? Et au verset 25, il dit « Présentement, je vais à Jérusalem » pour les services des saints. Donc, tout cela pour communiquer, pour montrer qu'il avait des occupations légitimes qui l'empêchaient d'aller vers les Romains. Deuxième vérité, c'est l'exemple des églises de Macédoine et d'Achaïe qui savaient faire des contributions en faveur des pauvres. Aujourd'hui, nous faisons souvent des contributions, nous demandons des dîmes et des offrandes. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. L'œuvre de Dieu a besoin de tout cela. Mais de temps en temps, nous devons penser aux démunis, à ceux qui sont pauvres, vous voyez. Et c'est ça ici, l'apôtre Paul est en train de montrer. Lorsqu'il a, il demandait les offrandes, les contributions, il pensait aussi à ceux qui étaient démunis. Il dit au verset 25, « Présentement, je vais à Jérusalem pour les servir des saints. » Verset 26, « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Vous voyez? C'est-à-dire que ces églises ont contribué, elles ont fait des collectes pour aider leurs frères. C'est ce qu'on appelle ici les saints. Donc, ils se sont dit, à Jérusalem, il y a nos frères qui sont là-bas, les gens qui sont démunis. Nous devons les aider. Oui, nous devons comprendre aussi que lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu te bénit, mon frère, Dieu te bénit, ma sœur, apprends aussi à faire des contributions ou à soutenir des frères et sœurs qui sont dans les besoins. Ça fait partie aussi de notre devoir d'expression d'amour. Troisième vérité, toujours concernant notre manière de donner, nous devons savoir que donner ou contribuer pour soutenir l'œuvre de Dieu ou pour soutenir les autres, c'est un devoir. Ici, l'apôtre Paul est en train de montrer ici un principe que nous devons retenir. Il dit au verset 27, « Elles l'ont bien voulu et elle est leur devait, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. » Quel est le principe ici? Les choses, les avantages spirituels dont l'apôtre parle ici, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez bénéficié du ministère de quelqu'un, il vous a prêché la parole, il vous a prêché l'évangile, il vous a enseigné. C'est par son ministère que vous êtes converti, par son ministère que le Seigneur vous a délivré, vous a guéri, vous a restauré. Vous avez un devoir en retour de partager ce qu'on appelle les biens temporels. Les biens temporels, c'est nos biens, c'est l'argent, c'est tout ce que nous gagnons. Vous voyez, c'est un principe. Ce principe revient dans un autre passage, Galates 6, verset 6, qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à ceux qui l'enseignent. Aujourd'hui, nous devons comprendre cela. Il y a certains qui le comprennent, d'autres qui ne le comprennent pas. Il y a certains, lorsque par exemple, un homme de Dieu, une servante de Dieu prie pour vous, vous enseigne, il y a ceux qui se limitent seulement à dire « Ah, que Dieu te bénisse, oh, que Dieu te bénisse oh. ». Mais nous devons savoir en retour. La Bible nous demande de penser à ceux-là que Dieu utilise à notre avantage. C'est ce que Paul voulait dire ici. Il dit « Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles ». Vous voyez, il y a des gens, les païens ici, c'était des peuples qui étaient des non-juifs, qui ont bénéficié de l'évangile, vous voyez. Alors, en retour, l'apôtre Paul dit, ils doivent aussi assister ceux qui ont apporté l'évangile par leur bien spirituel. C'est ce qui justifie ici les contributions des endroits tels que la Macédoine et l'Achaïe, qui se sont imposés une contribution en faveur de saints, en faveur de leurs frères de Jérusalem. C'est une façon de participer à l'œuvre de Dieu comme signe de reconnaissance pour ce qu'ils ont reçu. Quatrième vérité, nous avons le devoir de prier pour les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu eux-mêmes doivent savoir qu'ils ont besoin de la prière. Souvent nous sollicitons la prière des hommes de Dieu. Mais il y a ceux qui doivent savoir aussi que les hommes de Dieu eux-mêmes ont besoin de prière pour le ministère qu'ils font. pour les ministères qu'ils font. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut montrer ici. Au verset 30, il dit, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » C'est-à-dire, il fallait qu'il puisse prier pour Paul. Pourquoi? Il donne quelques sujets. Il dit, « Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. » Donc, les hommes de Dieu connaissent parfois des combats. Il y a des gens qui les combattent physiquement. Il y a d'autres qui les combattent spirituellement. Et il dit, priez pour moi, c'est un combat pour que je sois délivré des incrédules, des gens qui ne veulent pas recevoir l'évangile. Parfois, ils réagissent différemment. Nous devons donc penser aux hommes de Dieu, prier pour eux, prier pour leur santé, prier pour leurs besoins matériels, financiers, prier pour leur famille aussi, prier pour leurs projets, prier pour leur intégrité morale, spirituelle. Vous voyez, les hommes de Dieu ont besoin aussi des prières. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Disons-lui merci. Lui qui nous garde. Lui qui nous donne ses vérités. Lui qui nous protège. Élevons nos voix. Sois béni, éternel notre Dieu, toi qui nous aimes tellement et qui as toujours le souci de communiquer avec nous. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour Jésus qui s'est fait homme afin de communiquer avec nous. Merci pour Jésus qui s'est fait homme et qui a habité pleinement parmi nous. Merci, ô Seigneur Jésus, toi qui nous comprend le mieux, qui connaît nos problèmes, qui nous parle jour après jour. Merci Seigneur, toi, le Dieu qui nous écoute et qui nous comprend. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit de vie qui vit en nous et qui nous parle jour après jour, qui nous conduit. Nous bénissons ton nom, Père. Merci. Pour le Saint-Esprit, merci pour Jésus, merci de ce que tu es, celui qui nous aime d'un amour infini. Ton amour n'a pas de fin, nous t'élèvons pour cela. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, toi qui déposes maintenant dans nos cœurs le désir de partager tout ce que tu nous donnes avec tes serviteurs. Merci, ô Père, de nous aider à les soutenir dans la prière, à les soutenir également financièrement, moralement. Nous bénissons ton nom, ô notre Seigneur, notre Dieu. Toi, le Dieu vivant qui nous soutient et qui veut que nous puissions également soutenir tes serviteurs. Louange à toi, notre Dieu, notre Père, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Le texte du jour, c'est Romains 15, 22 à 33. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir dans ce passage l'importance de la communication. Lorsque vous avez un empêchement, vous avez un problème, il faut apprendre à communiquer avec les autres. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à apprendre à mieux communiquer, en commençant par nos familles, nos foyers, au niveau de l'église, au niveau même de nos responsabilités, partout où nous sommes, que nous apprenions à mieux communiquer pour éviter certains conflits auxquels nous assistons. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons et nous te glorifions ce matin. C'est un privilège pour nous, ô Père éternel, de te rendre grâce, parce que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que ta grâce se manifeste toujours dans notre vie. Donne-nous au Père éternel cette vertu de pouvoir communiquer, de pouvoir communiquer avec nos proches, de pouvoir communiquer au sein de notre propre foyer, de pouvoir communiquer dans notre église afin d'éviter des malentendus, afin d'éviter des conflits. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons que l'esprit de communication fasse partie de notre vie, fasse partie de nos activités. Parce que la communication au Père éternel fait également partie de la transparence. Nous prions au Père éternel et nous ne permettrons pas que le diable se saisisse de manque de communication pour s'insérer dans nos relations. C'est pourquoi nous te bénissons et nous te glorifions et nous demandons, Père éternel, que tu nous écoutes, que tu nous outilles pour pouvoir mieux communiquer. Merci Père pour toutes choses. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection. Merci pour ta sécurité. Merci pour ton appui et ton soutien. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous voyons le modèle des églises de Macédoine et d'Achaïe. Elles ont contribué pour aider les nécessités. Et ici, l'apôtre Paul nous montre que lorsque nous bénéficions d'un ministère, nous devons en retour également apprendre à contribuer. C'est un devoir. Prions le Seigneur pour que nous soyons imprégnés de ces vérités, que nous puissions vivre ce ministère d'apprendre à soutenir les pauvres, d'apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu, d'apprendre à soutenir ceux que Dieu utilise pour notre croissance spirituelle. Prions le Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Créateur, Père, celui qui nous a rachetés à un grand prix. Tu nous apprends dans ta parole à être généreux, à avoir le ministère de la libéralité. Pendant ton ministère sur la terre, des femmes t'ont accompagné, elles ont sémé dans ta vie, elles ont couvert de beaucoup de dons, beaucoup de choses qui t'ont permis de faire ton œuvre ici-bas. Et nous aussi, tu nous enseignes, comme ces femmes, comme ces frères, ont sémé dans la vie des serviteurs de Dieu. Nous devons donner. Nous devons donner des offrandes conséquentes. Nous devons payer nos dîmes. Nous devons soutenir les serviteurs de Dieu, l'œuvre de Dieu. Nous devons soutenir les pauvres, les nécessiteux, les étrangers, les veuves et les orphelins. Nous voulons crier vers toi. Ton peuple en a besoin. Nous te supplions, Seigneur, de susciter ces femmes, ces hommes, ces personnes dans nos communautés pour que, Seigneur, l'égalité soit une réalité dans la vie sociale. Nous te bénissons parce que tu vas nous aider. Tu vas nous accompagner par ton esprit et tu vas susciter ces personnes. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous voyons ici les devoirs de prier pour les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui font l'œuvre de Dieu. Tu vas penser à un homme de Dieu qui te fait du bien. Tu vas penser à une servante de Dieu pour prier pour lui, pour que Dieu le protège, pour que Dieu le garde. Pensez également à nous, équipe OSB, Radio Fréquence Vie, que Dieu aussi nous soutienne, que Dieu nous protège, que Dieu nous utilise, que Dieu nous aide à marcher dans l'intégrité. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Gloire et honneur à toi. La Bible dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Qui est cet homme qui craint l'Éternel? Et qui est celui qui marche dans ses voies? C'est celui que tu gardes. C'est pour cela, la Bible dit dans le psaume 125, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme le mont Sion. Il est inébranlable, il demeure pour toujours. Pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et pour toujours. Seigneur, merci parce que c'est toi qui entoures tes enfants. C'est toi qui entoures nos pères. Ceux-là même que tu as mis à part, qui sont dans le service du royaume, qui servent les intérêts du royaume dans toutes ses ramifications. Ceux-là même qui sont engagés dans la croissance, dans l'expansion et dans l'élargissement du royaume de Dieu et qui aussi sont engagés dans l'évangélisation pour gagner des âmes. Merci pour leurs efforts. Merci parce que Père, tu ne les oublieras pas. Tu veilles sur eux. Tu les bénis. Tu bénis leur ministère. Tu bénis leur maison. Tu bénis leur activité. Tu bénis leur projet. Tu bénis leur femme et enfants. Merci Saint-Esprit pour ta bénédiction et ta protection pour l'équipe de OSB. Merci pour les frères et sœurs aussi qui travaillent ici, African Vie, que tu gardes, que tu protèges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, selon ta parole. Et tu dis que tu bénis notre départ et notre arrivée. L'année est ainsi. Merci et merci. Père, en cette journée, merci de fortifier quelqu'un, de garder quelqu'un, de protéger quelqu'un dans ses sorties, dans son voyage, dans ses activités. Nous te levons et nous te glorifions parce que ta parole s'accomplit toujours et c'est pour cela que nous te retenons toute la gloire dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons vous dire merci pour votre participation à OSB, mais nous rappelons que demain, dimanche 13 mars, nous aurons notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires avec deux services. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. Nous poursuivrons le même thème que nous avons commencé à développer la fois dernière. Une main puissante les forcera à te laisser aller. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. La puissance par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance par son bras puissant.